Bonjour à toutes et tous, vous nous retrouvez sur Radioactif pour un nouveau numéro du MAG. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, on met le cap sur Noisé pour parler de prise de parole, confiance en soi et expression orale. L'association sportive et culturelle de Noisé propose en effet un atelier intitulé « Oser parler et s'affirmer », une initiative portée par la section théâtre avec Laurence David Carré, sa responsable, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour. Et puis à ses côtés, Catherine Buisson. Alors Catherine, qu'on connaît bien évidemment sur l'antenne de Radioactif, qui aujourd'hui met sa casquette de coach en expression orale, puisqu'elle animera justement cet atelier riche en conseils concrets et en mise en pratique. Bonjour Catherine. Bonjour Marlène. Alors l'idée de cet atelier, évidemment, c'est d'apprendre à la fois à gérer ses émotions, à habiter sa voix, à affirmer sa posture et incarner ses mots. Tout un programme pour s'exprimer avec plus de justesse, d'assurance et de plaisir. Je vais d'abord m'adresser à Laurence, puisque évidemment l'initiative, comme je le disais, est portée par l'association sportive et culturelle de Noisé, section théâtre. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Laurence, de proposer cet atelier ? Ah, c'est une excellente question que tout le monde devrait se poser quelque part. Surtout, voilà, c'est l'expérience. Nombre d'années de théâtre en tant qu'amateur qui m'ont apporté beaucoup de richesses personnelles et qui m'ont permis certainement d'entrevoir les relations avec autrui différemment. Et puis en mettant un petit peu ma timidité ou ma réserve de côté et en se disant mais on peut regarder les personnes en face autrement, hein, sans se faire du mal simplement à soi-même. Et puis surtout, chez les Noisy-Golos, donc nous avons accueilli des enfants. Ça fait 24 ans donc, que je vois des jeunes s'épanouir, se développer, et le théâtre participe grandement à leur épanouissement. Et je me suis dit, mais quel dommage finalement que les adultes ne s'initient pas un petit peu plus à ce mode d'expression, parce qu'on a tous à apprendre, on a tous à y gagner. Et c'était l'occasion, l'occasion d'une rencontre avec Catherine qui nous a permis de mettre en place ce stage pour les adultes. Alors un stage qui aura lieu ce week-end. Samedi 26 avril. C'est ça, samedi 26 avril. Il faut compter bloquer sa journée, hein, c'est ça. Oui, c'est toute la journée de 9h à 17h, 17h30. Oui, 17h, après 17h. On peut avoir une petite marge. Hein. Voilà. À qui est-ce que ça s'adresse ? Alors vous l'avez un petit peu dit Laurence, hein, ça s'adresse peut-être à des adultes, pourquoi pas aussi à des plus jeunes. C'est tout public ? Plutôt des adultes. Hein. Plutôt des adultes. Ou des grands ados. Voilà. Oui, voilà, on va dire à partir de 18 ans. Oui. Mais l'idée, c'est de proposer à des adultes quelque chose d'un petit peu différent, justement, et de penser un petit peu à soi. Après, c'est quelque chose de très accessible. Enfin, on l'a conçu comme quelque chose d'accessible. Et pas besoin d'avoir fait du théâtre pour C'est pour ce que j'allais vous demander. Donc on peut être tout à fait novice et peut-être même rencontrer des difficultés justement dans l'expression. L'idée c'est peut-être pas forcément de venir faire ce qu'on sait déjà faire, hein, mais peut-être se faire un petit peu violence et sortir des sentiers battus. Oui, enfin se faire violence, non, on se fait pas violence, hein, je précise, puisque je vais animer le stage, ce sera très très ludique. On peut venir au stage parce que on n'ose pas toujours exprimer ses pensées ou on a du mal à les exprimer oralement. On peut venir au stage parce qu'on est appelé parfois à parler devant d'autres personnes en réunion ou en public, mais même aussi dans la vie courante quand on s'adresse à d'autres personnes. Et parfois, on ne sait pas trop, on n'a pas trop d'assurance pour s'exprimer, pour exprimer qui on est, pour oser dire qui on est. Et ce stage aide les personnes à oser dire qui elles sont et à oser exprimer leurs idées. Et puis à se préparer aussi. Mmh. Et ça s'adresse à tout le monde, tout simplement. Voilà, pour qui a simplement envie d'en connaître un petit peu plus sur la façon dont on interpelle son interlocuteur pour se poser un petit peu des questions sur soi et puis chercher à en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement du corps et du cerveau. Ça s'adresse à tout le monde et puis surtout ça peut aider chacun dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle pour intervenir lorsqu'il faut prendre la parole en public ou dans des petits cercles. Mmh. Voilà. Et donc ce type de prestation que tu vas proposer Catherine ce week-end, est-ce que ça peut donner une suite ? Ah oui, complètement, parce qu'en fait, moi, samedi, là, je vais donner des clés, parce que en fait, on est comme un instrument de musique, un peu, et on a besoin de travailler ce qu'on va voir, donc le corps, la voix, la posture, le regard, parce que c'est très important de regarder l'autre, puisque c'est comme ça qu'on crée la relation, ou de se tenir droit, déjà, ça aide à prendre confiance. Si je dis à la personne de se tenir droite, elle va le faire pendant le stage, mais si le lendemain, elle s'entraîne pas à le faire, ça... Donc, ça sert pas à grand chose. Moi, je vais donner des clés et après, c'est à chacun de s'entraîner pour que ça devienne un automatisme. Alors, quel conseil tu pourrais nous donner, par exemple, un petit exercice à faire pour progresser ? Alors, il y a plein d'exercices parce qu'en fait, l'être humain est très complexe et l'expression, ça fait appel donc à notre mental, à nos émotions, à notre corps. Si je simplifie, on a des pensées qui nous créent des émotions et ces émotions font qu'on a tel ou tel comportement. Et selon le comportement, on obtient tel ou tel résultat. Donc, quand vous parlez, ben, selon la façon dont vous vous exprimez, vous allez obtenir tel ou tel résultat, convaincre ou pas convaincre, séduire ou pas séduire. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que prendre la parole, ce n'est pas uniquement dire des mots, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préparent le contenu de ce qu'elles vont dire, que ce soit en réunion, en public ou même face à quelqu'un, mais sans s'entraîner à le dire. Et il faut savoir que la façon dont on dit les choses est aussi importante, sinon plus, que le contenu. Et ça, c'est hyper important. Et donc, moi, je vais beaucoup travailler là-dessus. Donc, je ne me souviens plus de ta question. La question était, est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner, un petit exercice au quotidien qu'on pourrait faire pour justement s'entraîner à parler en public, à prendre la parole ? Alors, ce qui est très important, je trouve, c'est de bien regarder l'autre, parce que c'est comme ça qu'on crée du lien, et de bien respirer et bien articuler, parce que dans la voix, il y a quand même quatre éléments importants, c'est l'articulation, l'intonation, le volume et le rythme qui font vivre la voix. Mais l'articulation, si on n'articule pas, on ne nous comprend pas, donc c'est même pas la peine de parler. Si on n'articule pas, donc s'entraîner à bien articuler, donc à bien ouvrir la bouche et à bien respirer, à laisser des temps aussi, des silences pour permettre à l'autre de comprendre et de mémoriser ce qu'on lui dit. Et c'est beaucoup plus agréable quand on articule bien, quand on parle posément, que quelqu'un qui parle comme ça tout le temps en apnée. En fait, ensuite, quand on écoute quelqu'un comme ça qui parle à toute vitesse, on se retrouve nous soi-même en apnée et on n'a plus du tout envie de l'écouter. Donc bien respirer, bien articuler, se tenir droit parce que déjà ça permet de mieux respirer, ça donne de l'assurance, on a plus confiance en nous. Vous pouvez faire un petit essai, vous vous recroquevillez un peu sur vous, vous baissez la tête et puis vous imaginez un escalier de 1000 marches devant vous et vous analysez le ressenti que vous avez. Ensuite vous vous redressez, vous levez la tête et vous imaginez le même escalier et je pense que vous n'aurez pas la même sensation. Le physique a de l'importance sur ce qu'on ressent, sur notre état interne. Après, un exercice plus rigolo, c'est par exemple si vous avez un peu de mal à sourire, eh bien, à chaque fois que vous passez une porte chez vous, vous souriez. Ou alors quand on part de chez soi, on check son miroir au moment de sortir, Laurence. Voilà, c'est une idée aussi. C'est une idée. Après, on valide pas. Donc déjà, rien que pour soi. Mais quand on valide, tout est bon. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, quand on se sent bien dans les vêtements que l'on a mis, ben forcément, on a plus d'assurance. Bien sûr. Alors, l'objectif à la fin de cette journée pour les participants, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez l'une comme l'autre qu'ils aient gagné, les participants, à cet atelier ? Ah, je dirais l'envie de revenir. Parce que je suis persuadée que sur une journée, on ne peut pas tout appréhender et puis mettre en pratique, voilà, je pense que c'est un petit peu court, et de se donner un petit peu de temps et se revoir quelques semaines après pour évoquer ensemble voilà, ce qu'on a pu mettre en pratique et ce qu'on a pu découvrir. Je pense que ce serait intéressant et puis peut-être voir de nouvelles personnes intéressées sans doute par cette proposition. Donc donner une suite, oui, ce serait une belle initiative effectivement, mais on va déjà faire ce premier pas samedi avec Catherine, voilà. Et alors moi, ce que j'aimerais à la fin de la journée, eh bien, bon, pendant cette journée, je vais donner des clés. pour gérer donc son mental, ses émotions, son physique, son charisme. Et ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui vont être au stage s'entraînent ensuite à utiliser ces clés, parce que ouais, il faut que ça devienne un automatisme. C'est l'idée, effectivement, de se saisir de ces clés, de ces outils comme dans une boîte et les sortir au moment où on en a besoin. Oui, puis j'ajouterais que quand on parle de parole, on fait référence à son mental, son cerveau, son psychisme, enfin tout ce qu'on voudra, mais le corps dans tout ça. Alors au théâtre, on va appeler ça l'intention, c'est-à-dire la façon dont on imagine tout l'environnement de l'idée pour donner l'envie. Et là, je pense que ce sera un petit peu la même démarche, c'est comment est-ce que le corps participe à tout ça, puis surtout d'en prendre conscience. Parce que là où on a peut-être une grande difficulté, mais tous, c'est qu'on n'a pas conscience du tout de ce que le corps émet. Oui, alors à ce propos, je vais préciser que j'utilise aussi la vidéo. D'accord. Voilà, donc je filme les stagiaires et comme ça, ils prennent conscience de ce qu'ils émettent. Et c'est vrai que parfois, ils ont des surprises. Ils s'aperçoivent que ne pas s'exprimer avec son corps, ça a des conséquences, oui, au niveau du ressenti des personnes qui sont en face. On a l'impression qu'il faudrait donner de l'intention quand on vit sa vie, finalement, tous les jours. Et on ne le fait pas. Je pense que ça donnerait beaucoup plus de richesse à tout ce que l'on peut vivre au quotidien. Après, voilà, il nous faut les clés. Donc, on ne les a pas toujours. Donc là, c'est l'idée. L'idée de trouver les clés et puis de partir en quête de ce trésor que nous avons au fond de nous-mêmes, mais qu'il nous faut découvrir. Alors, est-ce qu'il est encore temps de réserver pour ce samedi 26 avril, puisqu'il reste quelques jours et je crois que les places sont limitées? Comment ça se passe? Alors, il reste quelques places. Pour s'inscrire, c'est tout simple. Vous téléphonez au 07 85 59 52 01. Je vous répondrai. Donc, il reste 4 places disponibles et les places sont limitées. Donc, on vous attend avec bonheur. Alors, faites vite. Et on peut se renseigner aussi sur Internet? Oui, sur le Facebook des Noisigolos, sur le site ascnoisé.fr. Voilà, et puis des informations par téléphone, j'y répondrai. Très bien, parfait. Je voudrais préciser que quand j'anime un stage, je fais très attention à la bienveillance, parce que ce n'est pas évident de s'exprimer devant les autres. Il y a des personnes qui sont très mal à l'aise. Donc je fais très très attention à la bienveillance. Et puis je fais beaucoup de pratiques et beaucoup de pratiques individuelles et puis des exercices, des jeux ludiques. C'est pour ça aussi que je fais pas mal d'exercices issus du théâtre où on s'amuse, quoi. On travaille et on s'amuse. Très bien. Voilà. Un beau programme. Un très beau programme. Donc, parler avec aisance, poser sa voix, affirmer ce qu'on a à dire, eh bien, vous l'aurez compris, c'est pas forcément inné. Et ça s'apprend et ça se cultive, c'est pourquoi vous êtes conviés à vous joindre au groupe samedi 26 avril, ça se passera à Noisy, en compagnie de Catherine Buisson, qui donc est coach et qui pourra vous accompagner. Une initiative portée par l'ASC Noisy. Nous avions Laurence David Carré autour de cette table responsable du théâtre, Noisigolo, à Noisy. Elles ont toutes les deux mijoté cette belle surprise pour vous qui vous attend ce samedi 26 avril. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci Marlène. C'est la fin de ce MAG. Je rappelle que tous les renseignements, vous pourrez les trouver en téléphonant à Laurence au 07 85 59 52 01. On se quitte et à demain 18h pour une nouvelle édition.